On dit que votre album est mal masterisé et qu'il serait fait avec du matériel d'amateur. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques? On n'a pas les moyens pour le moment, t'as vu, c'est normal. Hein. On vous reproche aussi de débarquer dans le monde du rap en tant que gros inconnu. Ça dépend par rapport à qui, quoi. Premier album, on n'a jamais vraiment entendu parler de vous avant. Faut bien commencer, mec. Hein. Pour être connu, faut bien commencer. Il y a une autre rumeur qui dirait que vous auriez fait cet album en 2 jours. Ouais, c'était un concept. C'est fait exprès. À l'arrache. C'est pour montrer un peu le talent. Alors, non seulement ce serait fait en 2 jours, mais en plus, quand on étudie bien la qualité de vos sons, le matériel utilisé, c'est vraiment pas du sérieux. Non, bah ouais, bah paye-nous. Je peux pas mettre un display rack sur un VSP8604 avec un double rack à l'arrière sur un latéral 12. Si tu mets un 2,4 dB en multibande compresseur, t'arriveras pas à trouver un résultat de qualité studio. Donc je suis désolé, les gars, vous pouvez pas travailler avec du matériel comme ça, mais pas une table de mixage VS6504 avec des Yamaha Z50. Non, mais on a c'est des choses que tu peux pas mettre ensemble, c'est comme mais ça. Alors, c'est franchement, est-ce que le son n'est pas écoutable au final? Une basse Honda avec une 1244. Si tu mets 1244 sur le secteur 8, tu vas mais pas brancher des display jamais parlé, sur la 5504. À ce moment-là, t'as une console Behwer ou Behringer, mais tu vas pas trouver du matériel de pro à un bas prix, tu vois. C'est là qu'on reconnaît les bons des faux. Je vais te mettre une steak, tu vas t'endormir. Et c'est là que vous avez ta gueule, ouais, ferme ta gueule. Je suis désolé. Hein, non mais ouais, non mais. On va demander à B.A. Switch. Ouais, bah écoute, peut-être que B.A. Switch s'y connaît, mais on a rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'arrive dans le son, je le fais, j'en ai rien à foutre. Gros. Ouais. Papy, viens pas demain. J'en ai rien à foutre.